c'est moi juste m'en aller. Mais tout emballé, le tour n'a pas mis d'abord. J'ai bien renseigné si tu montes à bord. J'suis dans mon mobile, j'ai ça tout à table. On dit que j'suis une galère, j'suis dans mon mobile, oh là là. J'suis dans mon mobile, oh là là. Laissez-moi juste m'en aller. Je veux tout emballer, tout pour ma famille d'abord. Sois bien renseigné si tu montes à bord. Je suis dans mon movie, Jason Statham. On me dit que je suis une galère. Je suis seul dans mon movie, oh là là. Seul dans mon movie, oh là là. Je dois m'allonger chez Ghost. Elle aime les restaurants, les belles choses. Parce qu'elle est bien pour moi, je remets tout en cause. Les layers, les layers. Je réfléchis tout seul dans mon mauvais. On peut s'appeler en FaceTime. Je me prends pour Itch. En ce moment j'étudie la femme. J'ai un vol, on se voit next time. On peut s'appeler en FaceTime. Je me prends pour Itch. En ce moment j'étudie la femme. Laissez-moi juste m'en aller. Je veux tout emballer. Tout pour ma famille d'abord. Sois bien renseigné si tu montes à bord. Je suis dans mon movie, Jason Statham. On me dit je suis une galère. Je suis seul dans mon movie, oh là là. Seul dans mon movie, oh là là. La critique, je suis étourdi, je vois la vie en verticale. Elle voudrait mon salaire et des Weston. Je la mets sur pause, j'en prends une autre. Chaque soir, je me remets en question. Si tu me parles pas en argent, c'est non. Non, je dois gérer ma j'ai gestion. Juste m'en aller, aller. Le bédo, l'héroïne, la coca, j'ai tout emballé. Trop de camé, trop dans les poches de manana. Je suis tout le temps calé, calé. Tu me connais, je marque le but de la tête. La tête, ma chérie, j'ai la détente, je suis en détente. Laissez-moi juste m'en aller. Je veux tout emballer. Tout pour ma famille d'abord. Sois bien renseigné si tu montes à bord. Je suis dans mon movie, Jason Statham. On me dit que je suis une galère. Je suis seul dans mon movie, oh là là. Seul dans mon movie, oh là là. On me dit que je suis une galère, je suis dans mon movie, oh là là, seul dans mon movie, oh là là, oh là là.